1, eh oui. Vu qu'on m'a dit mort à l'autre, c'est la paix que j'ai bâti moralement, mais khlas. Moi je suis pas de la même race que Nadine Morano. Et je manie mon radeau, j'ai mis toute l'arche de Noé dessus. Et quand les animaux radotent, j'attache le nord et le sud. Toute l'année parano et pas serein. Surtout quand il se passe rien, les poings serrés dans les poches larges de nos vêtures. Je veux laisser ma trace, mais pas mes empreintes digitales. Je ne suis pas de ceux qui s'encrassent au frais du chétan. Quand mon produit vient, je peux cogner pour mon esbi. L'esprit noir comme mon rôle du vin ou comme mes poumons. Après digital, enfant des squares. À l'occasion, quelques squales dans Paris. Scan, faut qu'il se calme, y'a qu'une escale. J'aime pas les cases à part les scans. Les anciens me disent t'es fort mec, t'as tué le truc. Le médecin légiste est formel. Escroc jusqu'à la MORT. J'ai jamais cru au succès, ça m'a même emmerdé. J'suis cool mais j'suis pas merdé. Reza si tu veux des Reza, demande à ton RP. J'ai tweeté si tu lis ça, nique ta mère et ils m'ont RT. Les gens sont des suiveurs nés. Laissez cela reçu leur nez, prêt à jurer sur leur mère. Mais la vie c'est pas que black ou que blanc. T'as des mecs bien qui braquent la queue blanc. T'as la vague qui pète ta porte au quand t'as des caisses plates dans ta queue blanc. Si tu te chopes quelqu'un trop froid, dis-moi je dis vaut mieux prendre sa pépère. Si tu te renseignes, tu peux trincer, vaut mieux prendre ses pépettes. On contamine leur joint, faut qu'on termine le job. Moi j'écris pour mes gens comme Quentin Miller. Accélération chop, phénomène busy dans la chop. Fenêtre remonte et un fenêtre romantique en même temps macho. On contamine leur joint, faut qu'on termine le job. Moi j'écris pour mes gens comme Quentin Miller. Accélération chop, fera mal et mécra dans la chop. Fenêtre remonte et un fenêtre romantique en même temps macho. Certaines sont des chiennes, moi je ne suis qu'un cerbère. Parce qu'ici l'amour est mort et je me transforme en pervers narcissique. Si si. T'inquiète pas copine, je sais que la terre est sombre. Je sais que tu fais la salope juste pour faire l'intéressante. Pendant que les gens de pouvoir nous enferment sans même nous voir. Les nouveaux you voient sortir new et shoot ça sans s'émouvoir. J'suis pas venu pour faire semblant, bien sûr que j'ai besoin d'un mouroir. J'suis pas le genre de blanc qui mettrait ses vieux dans un mouroir. Toi seul peux marcher dessus, le paradis est sous tes pieds. Plus mes ennemis m'attaquent et plus ma team est soudée. Aucune porte s'ouvre seule, les lois des portes sombres sont. Toute l'année sous pression, le corps agité de soubresaut. Ma mère m'a dit arrête de t'éreinter, faut que tu rentres tôt. J'ai dit oui maman et j'ai pris le prochain vol pour Toronto. À l'autre bout du monde à sommet, sur un pont je pense à sauter. Quand soudain, sauver mon bigot se met à sonner. Ça me surprend, j'oublie mes tendances dépressives. J'oublie pourquoi j'étais sur ce pont, pourtant c'était précis. Celle-là elle est pour mes mal aimés. On a des malheurs, on n'a pas les mêmes. J'ai souvent pensé à m'allumer. Souvent pensé à m'allumer. J'avais des doutes mais maintenant toute l'année c'est le mois de mai. Toute l'année c'est le mois de mai. Toute l'année c'est le mois de mai. Je fais ce qui me plaît. Fondu par scène, je ne vais pas attendre qu'il me plaît. On contamine leur joint, faut qu'on termine le job. Moi j'écris pour mes gens comme Quentin Miller. Accélère si on chope, l'entourage tout fings dans la chop. Fenêtre monte et un fenêtre romantique en même temps macho. On contamine leur joint, faut qu'on termine le job. Moi j'écris pour mes gens comme Quentin Miller. Accélère si on chope, deux airs et Jarby dans la chop. Fenêtre monte et un fenêtre romantique en même temps macho. 9-5, Lux, Pandore, 5 Mash, Lampal, 86, June, Senzu, Bohemian Club, Sky, Pirate Rim, le cartel. Lundi c'est Kamel dans la chop. Emir, La Smala, les Corbeaux, Aaron Strong, SPM, Ron, Rico, Sam, Blackbird, Hormas, Elio, ASF, mes mères ont dit quoi? Alzbar, pour mes enfants des squares.